Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. Le 5 novembre 1975, devant le cercueil de Pasolini, son grand ami, l'écrivain Alberto Moravia, prononce ces mots. Nous avons perdu un essayiste. C'était une nouvelle activité. À quoi répondait-elle en lui ? À son intérêt civique. Et là réside un autre aspect de Pasolini. Bien qu'il fût écrivain avec des fragments décadentistes, bien qu'il fût extrêmement raffiné et maniériste, il portait toutefois une attention aux problèmes sociaux de son pays, au développement de son pays, une attention patriotique que peu ont eue. Tout cela, l'Italie l'a perdu. Elle a perdu un homme précieux qui était dans la fleur de l'âge. Bonjour Olivier Rey. Bonjour. Bienvenue sur le chemin de la philosophie. Vous êtes mathématicien et philosophe, chercheur au CNRS, enseignant en philosophie à l'Université Paris 1. Et on vous doit la préface de l'ouvrage de Pasolini, Le chaos contre la terreur, aux éditions RN Éditions. C'est du Pasolini essayiste que nous allons parler aujourd'hui. Je lisais les quelques mots de son ami Moravia autour de son cercueil. Il le dit bien, nous avons perdu un essayiste. C'était une nouvelle activité. Le Pasolini essayiste est moins connu que le Pasolini cinéaste, en France en tout cas. Qui trouve-t-on qu'on ne trouverait pas ailleurs dans les autres écrits ou les autres formes de création de Pasolini? C'est vrai, comme il est apparu dans les précédentes émissions, que Pasolini a commencé par la poésie. Ensuite, quand il s'est retrouvé à Rome, il s'est mis à écrire des romans et il est très vite passé aussi au cinéma. Mais à chaque fois, ce sont des activités qui s'ajoutent aux précédentes, puisqu'il n'a jamais cessé d'écrire de la poésie. Il a écrit de la poésie jusqu'au bout. Il a écrit également des pièces de théâtre. Et puis, c'est vrai qu'à partir de la fin des années 1960, il est intervenu de plus en plus régulièrement dans la presse. Il a tenu dans certains journaux des chroniques assez régulières. Et il est devenu effectivement un essayiste politique. Et un certain nombre de ses articles ont été recueillis maintenant dans plusieurs volumes. Il y a les plus connus qui sont disponibles depuis assez longtemps, sont les écrits corsaires et les lettres luthériennes. Ce sont des articles qu'il a écrits dans les dernières années de sa vie, dans les années de 73 à 75. Et puis récemment, et cet automne, est paru Le Chaos, qui est un volume qui réunit des articles qu'il a publiés de 68 à 70. Et dans Le Chaos, c'est intéressant parce que bon, on reconnaît, enfin, pour les gens qui lisent les choses comme nous, au fur et à mesure que on y a accès, c'est-à-dire qu'on commençait par la fin d'une certaine manière, Le Chaos, on remonte un peu dans le temps. Et on voit dans les chroniques qui sont recueillies dans Le Chaos, un Pasolini qui à la fois intervient politiquement, mais qui en même temps répond aussi à un courrier des lecteurs, qui entremêle ses réflexions de certains poèmes ou de lettres. Il y a en particulier une lettre magnifique qu'il écrit à Anna Magnani. Et on approche un petit peu dans Le Chaos ce Pasolini multiface. Et c'est quelque chose, effectivement, dont on prend de plus en plus conscience quand on s'intéresse à Pasolini. C'est que chez lui, tout se tient. La poésie, les romans, le cinéma, les essais politiques. Mais c'est l'essayiste que vous préférez de votre côté? Disons qui vous parle le plus? Personnellement, c'est peut-être celui qui m'a d'abord le plus intéressé. Moi, j'ai d'abord, comme c'est assez classique en France, commencé par voir ses films. Je veux dire que ces films m'ont intéressé, mais m'ont toujours aussi laissé dubitatif, voire mal à l'aise. Vous avez parlé lundi de Salo ou les 120 jours de Sodome, et c'est vrai que pour moi, ça a vraiment été une épreuve. Je l'ai vu une fois dans ma vie. Pour tout le monde, là. Et je le reverrai jamais. mais finalement aussi, en découvrant ses essais, qui sont plus directement accessibles, ça m'a fait reconsidérer son cinéma. Et en même temps, son cinéma permet de mieux comprendre ses essais. Enfin, c'est-à-dire que chez Pasolini, il y a vraiment une solidarité de tous les modes d'expression. Et c'est ça qui fait que parfois, on a du mal à le reconnaître, à reconnaître véritablement son propos jusqu'au fond, c'est qu'il il faut vraiment tenir compte de l'ensemble de ces modes d'expression pour vraiment pénétrer dans ce qu'était Pasolini. D'autant que lui-même ne cesse de faire des liens entre sa création littéraire et cinématographique et aussi son engagement politique. Car oui, il n'est pas exagéré que de parler d'engagement en ce qui concerne Pasolini. Écoutez-le, c'était en 1971 dans l'émission L'invité du dimanche. C'est que l'engagement en Italie est toujours, a toujours une forme de moralisme. Et alors, pour être engagé, il faut trahir soi-même en tant qu'intellectuel. Il faut se trahir soi-même en tant qu'intellectuel pour s'engager. Deux choses sont intéressantes dans ces quelques secondes de la voix de Pasolini. La première, c'est qu'il se considère comme un intellectuel. Et la seconde, c'est qu'il se pose la question de la trahison possible quand un intellectuel s'engage. Pour lui, la réponse est claire quand même, Olivier Rey. Oui, enfin, moi, la première chose qui me frappe en entendant la voix de Pasolini, c'est la douceur de cette voix et qui contraste quand même aussi avec la très grande violence qu'il peut y avoir dans certaines de ses œuvres ou dans ce qu'il exprime. Et c'est cette tension qu'il y a à l'intérieur de Pasolini, elle se voit bien aussi sur une photographie qui est sur la couverture d'un livre d'entretien qui vient d'être publié, qui recueille des interviews que Pasolini a données depuis les années 50 jusqu'à la fin de sa vie. Et sur cette photo, on voit un homme qui clairement est un intellectuel. Et en même temps, on voit aussi un paysan du Frioul. Il y a ces deux choses. Et en fait, quand Pasolini entre dans le monde intellectuel et va défendre certaines positions politiques, en même temps, il le fait pour défendre un monde qui est en voie de disparition, qu'il voit disparaître et qui n'a rien à faire sur cette scène-là. Et donc, effectivement, on sent bien à quel point, pour lui, il y a toujours quelque chose de très délicat dans la mesure où il est obligé, pour défendre le monde auquel il tient, à changer de monde. Changer de monde ? Oui, il se retrouve sur une scène médiatique italienne et même mondiale, parce que Pasolini, à la fin de sa vie, était quand même connu internationalement. C'était une très grande figure en Italie. Et en même temps, ce qu'il voulait défendre, c'était le monde du petit peuple italien qui était laminé, ce qu'il voyait laminé par l'avènement de la société de consommation. Il ira même jusqu'à dire que ce petit peuple n'existe plus. Avant cela, on va essayer de voir ensemble les motifs, ses sujets, ses buts même, au nom desquels il décide de s'engager. Sa bête noire, il la nomme ainsi, et dans cette lettre qu'il écrit à son ami Moravia, encore lui, hein, décidément, la correspondance avec Moravia est vraiment très précieuse pour comprendre les écrits de Pasolini. Il répond à Moravia qui s'est moqué de lui, qui a plaisanté sur le fait qu'il nomme sa bête noire, il la nomme comme telle, la consommation. Écoutez cette lettre qui paraît dans les écrits corsaires de 1975. Cher Moravia, tu plaisantes sur le fait que depuis quelque temps ma bête noire est la consommation. Ta façon de plaisanter me semble un peu indifférentiste, par la façon qu'elle a de restreindre le problème. Je le sais, tu es pragmatiquement partisan d'accepter le statu quo. Mais moi qui suis idéaliste, non. La consommation consiste en effet en un pur et simple cataclysme anthropologique. Et je vis existentiellement ce cataclysme, qui, du moins pour l'instant, n'est que dégradation. Je le vis chaque jour dans les formes de mon existence, dans mon corps. Comme ma vie sociale bourgeoise s'épuise dans le travail, ma vie sociale en général dépend totalement de ce que sont les gens. Je dis « les gens » en connaissance de cause, car j'entends par là ce qu'est la société, le peuple, la masse, au moment où elle entre existentiellement, et peut-être uniquement visuellement, en contact avec moi. C'est de cette expérience existentielle, directe, concrète, dramatique, corporelle, que naissent en conclusion tous mes discours idéologiques. Je ne vois pas comment un ami peut plaisanter sur tout cela. Est-ce qu'on peut dire, Olivier Rey, que ça nous fait sourire tous les deux quand même, ce texte, que Pasolini manquait d'humour à ce sujet ? Oui, ça oui. Très clairement, mais je pense que c'est effectivement... Qu'il distingue de Moravia, d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est tout à fait étonnant de voir à quel point Pasolini et Moravia ont pu être amis, alors qu'a priori, justement, c'est quand même deux personnalités extrêmement différentes. Mais enfin bon, cela dit, on sait très bien que les plus grandes amitiés peuvent, ou les plus grands amours aussi, peuvent réunir des personnes que... A priori, beaucoup de choses opposent. Et il est clair que Pasolini ne devait pas avoir un très grand sens de l'amour. De l'humour, pardon. Magnifique, oui. Là-dessus, parce que l'amour, pour le coup, là, il s'y connaît un peu plus, je crois. Oui. Enfin, c'est pas dire qu'il est plus heureux, mais on ressent. On peut pas dire que c'était un homme très heureux. Mais, Donc, ma bête noire est la consommation. Ouais, tout à fait. Mais ça a déjà été évoqué plus tôt dans la semaine. Pasolini est né en 1922, donc il a grandi pendant l'époque fasciste. En plus, son père était militaire et adhérait au régime. Et chez Pasolini, ça s'est mêlé aussi, le conflit avec le père, le rejet du père, l'amour de la mère, et puis le rejet du fascisme. Il a un de ses frères qui a quand même été, qui est mort pendant la guerre dans la résistance antifasciste. Bon, même s'il a été tué par des communistes parce qu'il y avait des rivalités entre les différents groupes antifascistes. Mais enfin, c'est pour dire à quel point quand même il a été impliqué dans cette lutte antifasciste. Et on aurait pu se dire, bon, après 45, le fascisme est vaincu, donc les choses vont aller mieux. Et puis, ce à quoi nous avons assisté, alors en France, ça s'est appelé les Trente Glorieuses, en Italie, on a parlé du miracle économique italien, et en Italie, ça a été encore plus violent qu'en France, parce que en France, l'industrialisation était engagée depuis quand même plus longtemps qu'en Italie. L'Italie est restée longtemps un pays, entre guillemets, en retard sur le reste de l'Europe. C'est pour ça d'ailleurs que c'était un pays d'émigration. Beaucoup d'Italiens partaient travailler en France ou aux États-Unis. Ça restait un pays encore extrêmement rural. Et donc, ce qu'a vu Pasolini au cours de sa vie d'adulte, après la guerre, c'est le basculement de l'Italie traditionnelle, rurale, dans la société industrielle et la société de consommation. Et pour lui, finalement, il en est venu à penser que ce basculement de l'Italie dans la société de consommation était pire que ce qui s'était passé avec le fascisme, parce que sa grande thèse, c'est que le fascisme n'avait fait que toucher l'âme italienne en surface. Elle avait transformé, dit-il, les Italiens en guignols, elle leur avait mis des chemises noires, elles avaient fait défiler, mais une fois, disait-il, qu'ils retiraient leurs chemises noires, ils rentraient chez eux et ils redevenaient des Italiens de toujours. Le fascisme avait en réalité fait d'eux des guignols, des serviteurs, peut-être en partie convaincus, mais ils ne les avaient pas vraiment atteints dans le fond de l'âme, dans leur façon d'être. En revanche, le nouveau fascisme, la société de consommation, a profondément transformé les jeunes. Elle les a touchés dans ce qu'ils ont d'intime. Elle leur a donné d'autres sentiments, d'autres façons de penser, de vivre et d'autres modèles culturels. Voilà, c'est ça. Et donc, lui, finalement, il a considéré que ce qui se passait à ce moment-là était encore plus grave que le fascisme. Et en fait, il se trouvait environné de personnes qui, justement, considéraient que le grand ennemi, le fascisme, avait été vaincu et que ce qu'il fallait faire, c'était lutter contre les possibles résurgences de ce fascisme-là. Et Pasolini cherchait à leur ouvrir les yeux en leur disant « Mais arrêtez de vous polariser sur ce qu'il appelle un archéofascisme qui est vaincu et qui ne reviendra pas, et occupez-vous de ce qui se passe véritablement aujourd'hui, qui est encore plus grave, que lui considérait encore plus grave, qui était l'avènement de la société de consommation. » Très loin, parce qu'il dit dans le texte que j'ai lu, l'extrait que j'ai lu, qui est aussi un extrait des écrits Corsaire, qu'il dit « Je suis profondément convaincu que le vrai fascisme » Est-ce que les sociologues ont trop gentiment nommé la société de consommation? Comme si le fascisme de Mussolini n'était pas le vrai fascisme. Oui, alors, en fait, là, moi, je suis un peu gêné par cette terminologie. Je pense qu'une sorte d'hygiène intellectuelle recommanderait que l'on gardât le terme fascisme pour désigner le régime de Mussolini et ce qui lui est apparenté. Parce que sinon, fascisme, ça devient un terme que tout le monde peut employer. C'est d'ailleurs le cas aujourd'hui. Et on devient... On est tout le monde peut devenir le fascisme de quelqu'un d'autre. Et donc c'est un peu dangereux. Alors c'est vrai que l'usage que fait Pasolini, mais alors Pasolini c'est quelqu'un de très engagé, c'est un artiste, bon ça n'est pas un penseur d'une rigueur absolue. Et là dans son usage du terme fascisme, oui. Je pense qu'il y a un problème. Il y a aussi pour justifier cet usage que Pasolini fait du terme fasciste, c'est qu'il est aussi à une époque où en fait, à gauche, on est polarisé sur la lutte contre le fascisme et ses possibles restes ou résurgences, et que pour arriver à capter l'attention des personnes auxquelles il s'adresse, il emploie aussi le terme fascisme dans un sens pratique. C'est-à-dire, puisque vous luttez contre le fascisme, eh bien, voilà ce que moi j'appelle le fascisme aujourd'hui. Mais bon, c'est vrai que l'usage du terme est contestable. Mais il est en 75, ou juste avant, quand il écrit ces textes-là, à quoi ressemble la société de consommation ? Parce qu'aujourd'hui, on le voit bien, comment dénoncer la société de consommation. Est-ce qu'à l'époque, est-ce que c'est quelque chose dont il a conscience ou qu'il craint ? Ah non, c'est quelque chose qui se passe vraiment, où il redoute ce qui arrive ensuite. Il le dit lui-même, hein, qu'il le vit dans son corps. Bah oui, dans le texte, oui, c'est corporel. Quand il était, donc, pendant la guerre, il va avec sa mère et son frère dans le Frioul, qui était la région d'où était originaire sa mère. Il devient enseignant, et puis bon, juste au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, il continuait à exercer, à enseigner, et puis bon, il y a une affaire de mœurs qui va faire qu'il va être exclu du Parti communiste, puisqu'à l'époque l'homosexualité est considérée comme déviation bourgeoise, et puis par ailleurs, il est radié de l'école où il enseignait, et c'est là qu'il va quitter la région avec sa mère et s'installer à Rome. Et à Rome, il va vivre des années extrêmement difficiles, dans une très grande précarité économique. Il vit très pauvrement en banlieue et il gagne un tout petit salaire en enseignant un peu dans une école de la lointaine banlieue romaine. En même temps, ça va nourrir son inspiration parce que les ragazzi de la Vita et puis son premier roman et puis ses premiers films aussi, Akaton, Mama Roma, ça va être nourri par cette expérience. Mais ce qu'il va découvrir dans ces années-là, c'est le sous-prolétariat romain et ce qui va le désolé, plus que désolé, c'est un mot trop faible, c'est de voir justement ce sous-prolétariat romain qui avait une culture millénaire, pourrait-on dire, pris, qui va être, il le voit transformé, happé par la société de consommation. Et la grande catastrophe qu'il voit, c'est qu'il disait qu'auparavant, entre les pauvres et les riches, il y avait certes une différence économique, mais il y avait aussi une différence culturelle. Ce qui faisait que les riches, les pauvres n'étaient pas, s'ils étaient dominés sur le terrain économique, ils avaient aussi une culture à eux, qui leur conférait une certaine dignité. Et ce qu'il voit se répandre, c'est l'hégémonie de l'économique, ce qui fait que les nouveaux pauvres, en réalité, ils ne sont qu'inférieurs parce que la seule chose qui les caractérise, c'est qu'ils ont un pouvoir d'achat lamentable par rapport aux riches. C'est ça, donc c'est pas tellement la société de consommation en tant que telle que les conséquences sociologique, économique, elle a sur les individus eux-mêmes. C'est la destruction des cultures populaires. Ouais, il dit le nivellement culturel concerne tout le monde, enfin culturel entre guillemets, hein, peuple et bourgeoisie comme ouvriers et sous-prolétaires. Le contexte social a changé dans le sens d'une unification extrême. La matrice qui donne naissance à tous les Italiens est désormais unique. Il n'y a plus de différence notable, en dehors d'un choix politique comme schéma mort à remplir en gesticulant, entre un quelconque Italien fasciste et un quelconque Italien antifasciste. Ils sont culturellement, psychologiquement, et ce qui est plus impressionnant, physiquement interchangeables. Dans leur comportement quotidien, leurs gestes, rien ne les distingue, à l'exception d'un meeting ou d'une action politique, rien ne distingue un fasciste d'un antifasciste. Ça, c'est un article qui s'appelle « Les Italiens ne sont plus les mêmes ». Il y a à la fois le nivellement social, enfin économique, ce que vous disiez, et en même temps, il y a cette sorte d'uniformisation qu'il redoute énormément. Voilà, et c'est en ça que ça fait quand même le lien avec le fascisme, parce que en fait, une des grandes ambitions du fascisme, c'était de faire... L'Italie est un pays qui s'est quand même unifié tardivement, et en fait, cette unification politique qui intervient dans la seconde moitié du 19e siècle, en réalité, elle se superpose à des singularités locales qui restent extrêmement fortes, ne serait-ce que dans la langue, les dialectes italiens restent extrêmement pratiqués. Et une des ambitions du fascisme, c'était précisément d'unifier véritablement le peuple italien pour lui donner toute sa force. Et ce que disait Pasolini, c'est que le fascisme avait cette grande ambition qu'il n'avait pas réellement pu réaliser, et que, d'une certaine manière, la société de consommation, elle, le réalise. Et c'est pour ça qu'il y a des propositions étonnantes à un moment donné, où il dit deux propositions à réaliser immédiatement, suppression de l'école secondaire obligatoire et suppression de la télévision, qui sont pour lui les deux grands instruments de nivellement des cultures italiennes. D'où certains textes qui sont peut-être plus amusants, alors même s'il n'avait pas forcément d'humour à ce sujet, mais on peut les lire quand même aujourd'hui avec un certain humour, contre le conformisme, et par exemple contre le conformisme des cheveux longs. On trouve ça dans les écrits corsaires. Pour donner une idée de type de texte qu'il peut écrire, il va expliquer comment le geste des cheveux longs, qui était à la base un geste rebelle, est devenu un geste d'un conformisme absolument aberrant pour lui, en tout cas. Oui, il a des textes aussi très intéressants où il parle du changement du sens des mots, et en particulier il s'intéresse à obéissant, désobéissant, et il dit aujourd'hui, celui qui revendique la désobéissance en réalité obéit au système ambiant, alors que celui qui garde une forme d'allégeance à des formes anciennes, qui obéit à ces formes anciennes, devient le vrai désobéissant. Et c'est pour ça aussi que Pasolini a eu des sentiments très très équivoques, c'est le moins qu'on puisse dire, vis-à-vis de ce qui s'est passé dans les années 60, et en particulier en 68. Parce que d'un côté, il ne pouvait être que du côté des étudiants dans leur contestation de l'ordre ambiant dominé par une démocratie chrétienne en Italie qui avait fait alliance avec l'industrie et les puissances d'argent. Et en même temps, il s'est tout de suite rendu compte que 68 allait balayer les derniers restes de la société traditionnelle qui gênaient encore l'expansion sans limite de la société de consommation. Et c'est pour ça qu'il a eu en particulier, juste après mai 68, un poème qui a fait beaucoup parler en Italie, où il s'adresse aux étudiants contestataires et où il les traite quand même de fils à papa. Et de jeunes, enfin, il parle de la lutte de 68 comme une bataille dans l'enfer de la conscience bourgeoise, où ce sont les jeunes bourgeois qui veulent accéder plus vite aux places occupées par les vieux bourgeois, et que en réalité l'effet le plus immédiat de leur lutte, ce sera encore une fois de dynamiter les restes de sociétés traditionnelles qui mettaient encore un frein à l'expansion de la société de consommation. Mais c'est toute l'ambivalence de Pasolini, parce que d'un côté, il semble appeler de ses voeux une forme de révolution, mais pas pour changer radicalement ce qui s'est passé. Au contraire, une révolution qui ramènerait une forme du passé jusqu'à aujourd'hui. Il est entre le côté conservateur et le côté révolutionnaire, en fait. Oui, en fait, lui, il veut une révolution pour sauver ce qui reste encore du passé. C'est ça. Voilà. C'est assez. Mais oui, mais là, il faut bien voir lui, donc c'est quelqu'un qui a lu Marx, qui a médité Marx, qui prend très au sérieux Marx. Et Marx et Engels, quand ils écrivent le manifeste du Parti communiste, insistent sur un fait. Ils disent que toutes les classes dominantes jusque-là avaient toujours été pour le maintien de l'ordre ambiant qui les confortait dans leur position. Et il dit Marx et Engels disent avec la bourgeoisie, c'est tout à fait différent. La bourgeoisie est la première classe dominante qui a un besoin, pour maintenir sa position, d'un changement permanent des choses. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, le discours de l'innovation, on pourrait dire que c'est aussi un discours qui est là pour pérenniser la domination d'une certaine classe. Et donc, Pasolini dit, si on veut s'opposer à la bourgeoisie, en fait, il faut nécessairement avoir quelques formulations conservatrices et réactionnaires. Et c'est très intéressant parce qu'il dit à un moment donné qu'il méditait un essai qui aurait eu pour titre « Comment restituer à la Révolution quelques affirmations réactionnaires ». Mais ce qui est important, c'est effectivement le réactionnaire, mais c'est aussi le quelque, c'est-à-dire que ce qu'il ambitionne, ça n'est pas de restaurer un ordre ancien, c'est que s'instaure un ordre meilleur, mais cet ordre meilleur passe par la restauration de quelques éléments qui viennent du passé. Alors comment le qualifier, communiste ou marxiste? La réponse de Pasolini au micro de Jean-André Fieschi. Vous m'avez dit « je suis marxiste », vous n'avez jamais dit « je suis communiste ». Est-ce que vous faites une différence? Oui, la différence c'est que je n'ai pas, comme dit, inscrit au Parti communiste. Je n'aime pas d'être indépendant. Je déteste l'intellectuel qui dit « je suis indépendant ». Mais je suis obligé de le dire. Et alors j'accepte l'idéologie marxiste dans la diagnosis de la réalité sociale et en grande partie dans le l'idée de solution des problèmes sociaux. Mais je ne partage pas complètement la politique du Parti communiste italien, aussi soviétique, etc. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, et Pier Paolo Pasolini au micro de Jean-André Fieschi, c'était en 1966. C'est le philosophe et mathématicien Olivier Rey qui est avec nous en studio aujourd'hui pour parler du Pasolini essayiste. Il revendique ici l'idéologie marxiste. Et là encore, c'est alors peut-être pas une contradiction, hein, montrer comment il est à la fois conservateur et révolutionnaire. Il a appelé la révolution de ses voeux pour mieux que ce qu'il reste du passé, eh bien, reste en l'état. À la fois, il se dit, voilà, artiste, donc forcément indépendant dans une certaine mesure. Et en même temps, il a besoin de cette idéologie pour avancer. C'est une contradiction ou pas, Olivier Rey? Non, enfin, je pense que là, Pasolini a une position très estimable dans le fait que c'est toujours facile, si vous voulez, pour un intellectuel de dire « moi, je suis un intellectuel » et donc tous les partis, par exemple, aucun ne convient parce que c'est toujours trop simple, c'est toujours il y aurait toujours à redire. Et en fait, Pasolini est conscient que, si vous voulez, si vous vous rendiquez d'un engagement, l'engagement, il faut être avec d'autres. Et donc, en fait, il prend la scène politique de son temps telle qu'elle est. Quelle est-elle en Italie? En fait, on a la démocratie chrétienne qui est au pouvoir, qui domine le paysage, qui, encore une fois, est le grand vecteur de l'industrialisation et de l'avènement de la société de consommation. Et puis, la seule opposition véritablement solide à l'époque, c'est le Parti communiste. Donc, d'un point de vue réaliste, si vous voulez, il n'y a pas d'autre solution pour quelqu'un qui veut véritablement lutter contre ce qui se passe en Italie à l'époque que d'aller du côté du Parti communiste. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il adhère à tout ce que dit le Parti communiste. D'autant qu'il a été exclu, de toute façon. Il a été exclu. Et puis, par ailleurs, en fait, il n'a jamais partagé cette idée que c'était par le développement qu'on allait arriver à la révolution. Si vous voulez, vous avez une doctrine qui vous dit que plus on va s'industrialiser, plus le capitalisme va crouler sous l'effet de ces contradictions internes. Pasolini ne partage pas du tout cette thèse. Il a beaucoup de différends avec le Parti communiste. Il y en a un d'ailleurs aussi qui est assez intéressant, c'est à propos de la religion. Dans un de ses entretiens, il dit « Moi, je suis un marxiste hérétique qui pousse sa situation, disons, chanceuse, de n'avoir rien à perdre jusqu'à affirmer que Marx a dit des choses terribles. Par exemple, en matière de religion, tout ce que Marx a dit de la religion est à prendre et à jeter. C'est le fruit d'une ignorance colossale. Et la critique de la religion est une grosse tranche de marxisme. On pourrait multiplier les... Il faut quand même dire que pour Marx, la religion est une aliénation. Oui, oui. Et ça, Pasolini ne peut pas l'entendre. Alors que lui-même se dit athée, mais la culture chrétienne est trop importante pour lui. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Pasolini aime les cultures populaires italiennes, étant donné l'importance que joue le christianisme dans cette culture populaire italienne, ce serait un peu bizarre de prétendre aimer ces cultures populaires en les purgeant du christianisme. Là, il y a quelque chose qui ne... On peut les aimer tout en reconnaissant qu'elles sont aliénées. Oui, enfin, bon, alors là, ça nous ferait... Marx sans l'aliénation, oui, mais c'est intéressant quand même ce point pour comprendre son marxisme, parce que Marx, sans sa critique de la religion, est-ce que c'est encore les écrits de Marx ? Bah, vous voyez, c'est ce que là, c'est, dans la, c'est pour ça que j'ai cité ces propos de Pasolini. Hein, il dit qu'il est marxiste hérétique et qu'il dit en fait finalement c'est une chance pour moi d'être en dehors du Parti communiste en fait. Mais c'est pas lui qui a dit non le Parti communiste. Il a pas fait sa chochotte si vous voulez en disant oui mais bon moi je trouve que etc. Non, il a adhéré au Parti communiste et puis c'est le Parti communiste qui à un moment donné l'a mis dehors à cause de son homosexualité. Où mais reste-t-il il a toujours dit qu'il votait communiste et d'ailleurs après sa mort, à son enterrement, il y avait une délégation du Parti communiste. Enfin les rapports de, il était régulièrement invité à la fête de l'UNITA à Bologne du Parti communiste. Il est resté toujours très proche des communistes. Et qu'est-ce que ça signifiait pour lui ? C'était l'espoir d'une révolution ? C'était la lutte des classes ? Oui, il y avait quelque chose comme ça. Mais si vous voulez, pour lui, la lutte des classes, c'était de libérer le peuple. On pourrait dire d'ailleurs plutôt que le peuple, les peuples italiens de la société de consommation pour qu'ils puissent continuer à vivre chacun leur vie. Ce qui est paradoxal, parce que là encore, dans ses écrits, dans sa création, son cinéma, et de plus en plus, ne s'adresse pas au peuple tel que lui l'entend. Il s'adresse, les films aujourd'hui de Pasolini sont vus par une élite qui ne correspond pas du tout à ceux qu'il avait sans doute en tête au moment où il a commencé à faire ses premiers films. En tout cas. Grand désespoir de sa vie, ça a été de voir ces peuples qu'il aimait disparaître. Et finalement, il a dû tenir compte à la fin de sa vie du fait que ces peuples, en fait, ces modes de vie qu'il aimait, avaient disparu et qu'ils ne reviendraient plus. Et donc, alors d'ailleurs, dans un entretien, c'est passionnant aussi, quelqu'un lui dit, mais alors, vous devez être dans un état, vous devez être complètement détruit, mais c'est bizarre parce que vous continuez à écrire, à filmer, enfin, vous êtes de... Donc il faut bien que vous soyez mu par un espoir. Et Pasolini dit, non, je n'ai aucun espoir. Le monde que j'aime est condamné, il a disparu, ou s'il en reste quelques petites choses, de toute façon, elles sont condamnées à disparaître. Et alors, l'intervieweur lui dit, mais comment vous faites quoi, pour continuer à produire comme cela ? Et en fait, il dit que ce qui est premier, si vous voulez, toujours chez lui, ça n'est pas le désespoir qu'il a de voir ce monde disparaître, c'est l'amour qu'il porte à ce monde. Et l'amour qu'il porte à ce monde demeure alors même que son objet disparaît. Et il dit que ce qui le porte, ce qui fait toute sa vitalité, il emploie le mot, sa vitalité, continue de s'alimenter à cet amour qu'il a pour des mondes qui sont en voie de disparition ou qui ont même complètement disparu. Et c'est quelque chose qui est extrêmement important parce que cela veut dire que ces ressources du passé ne disparaissent pas lorsque les formes de vie passées disparaissent, puisqu'on peut toujours continuer à s'y référer et l'amour qu'il a pour ce monde continue. Alors on va entendre à nouveau la voix de Pasolini qui constate que le peuple tel qu'il l'aimait n'existe plus, ce qui change sa manière de réaliser ses films. Lui-même évoque ce problème directement et c'est assez intéressant de voir la solution qu'il a trouvée pour savoir à qui il s'adressait. Si le peuple n'existait plus, alors à qui, pour qui fait-il des films ? Et puis ensuite un court extrait des Lettres luthériennes dans lequel il parle de cet amour dont vous parlez, l'amour qu'il porte à ce peuple qui n'existe plus, mais l'amour lui est intact, ce qui sans doute le sauve du désespoir. L'histoire italienne des années 50, c'est très différent de l'histoire italienne des années 60. Et alors, pendant les années 50, je croyais de faire les films comme des œuvres que Gramsci, qui est le fondateur du Parti communiste italien, appelait national populaire. Je croyais que le destinataire de mon film était le peuple comme classe sociale complètement différenciée de la bourgeoisie. Et maintenant, dans l'Italie moderne, ça, ce n'est plus la vérité. Le peuple n'existe pas. Il y a la culture de masse qui comprend bourgeoisie et peuple. Alors le destinataire n'est plus le peuple, les ouvriers, les hommes simples, c'est la masse. Et alors pour réaction à la culture des masses, j'ai fait des films plus difficiles, inconsommables. Je m'adresse à un homme, à une femme, à quelqu'un qui est comme moi. C'est un spectateur idéal, que je considère très intelligent, cultivé, et avec lequel j'ai un dialogue démocratique. plupart des intellectuels laïcs et démocratiques italiens se donnent de grands airs parce qu'ils se sentent virilement dans l'histoire. Ils acceptent, dans un esprit réaliste, les transformations qu'elle opère sur les réalités et les hommes, car ils croient fermement que cette acceptation réaliste découle de l'usage de la raison. Mais moi, je ne le crois pas. Je ne crois pas en cette histoire et en ce progrès. Il n'est pas vrai que, de toute façon, on avance. Bien souvent, l'individu, tout comme les sociétés, régresse ou se détériore. Dans ce cas, la transformation ne doit pas être acceptée. Il faut avoir la force de la critique totale, du refus, de la dénonciation désespérée et inutile. Si quelqu'un accepte dans un esprit réaliste une transformation qui n'est que régression et dégradation, cela veut dire qu'il n'aime pas ceux qui subissent cette régression et dégradation, c'est-à-dire les hommes en chair et en os qui l'entourent. Si au contraire quelqu'un proteste de toutes ses forces, même celles des sentiments, cela veut dire qu'il aime ces hommes-là en chair et en os. Un amour que j'ai le malheur d'éprouver. Le regretter, cet amour qu'il porte à ce peuple oliviérais, puisqu'il termine le texte en disant cet amour que j'ai le malheur d'éprouver, alors qu'il en appelle avant à la force nécessaire pour proposer une critique totale, de refuser la dénonciation désespérée et inutile, et cet amour que j'ai le malheur d'éprouver. Ah oui, non, mais comme je le disais, c'est quand même quelque chose c'était la tragédie de son existence, qui a été très bien d'ailleurs exprimée dans un recueil de poèmes qui s'appelle La Nouvelle Jeunesse. Alors c'est un recueil de poèmes qui réunit des poèmes qui ont été écrits d'une part dans les années 1940 jusqu'au début des années 1950, et puis d'autre part des poèmes qu'il a écrits beaucoup plus tardivement dans les années 1970. Et le recueil, pour une bonne partie, est construit. C'est-à-dire que la deuxième partie est un miroir de la première. Il reprend les mêmes titres de poèmes que ce qu'il avait écrit dans les années 1940, mais le contenu change du tout au tout. Je peux vous donner un tout petit exemple. Oui. C'est le premier poème. Alors c'est écrit en frioulant, mais le premier poème dans la première partie, c'est « Fontaine de mon pays, il naît d'eau plus fraîche qu'en mon pays, fontaine de rustique amour. » Et dans la deuxième partie, le tercet qui correspond à celui que je viens de lire, c'est « Fontaine d'un pays étranger, il naît d'eau plus vieille qu'en ce pays, fontaine d'amour pour personne. » Bon voilà, et ça donne le ton, et on a ces deux parties en miroir, avec la seconde qui montre que tout ce qui était loué dans la première a disparu. Donc ça, c'est quelque chose effectivement qu'il vit extrêmement douloureusement, ça a été la grande douleur de sa vie, mais en même temps, encore une fois, quelque chose qu'il écrit dans ce volume. À un moment donné, il dit « Je pleure un monde mort, pourtant, moi qui le pleure, je ne suis pas mort. » Et d'une certaine manière, c'est parce que ce monde mort a existé que moi je suis vivant et que je continue à être habité de cette vitalité, que je continue à écrire et à exister. Et donc, il y a les deux choses chez Pasolini. Mais donc, on peut parler de nostalgie ? Non, c'est pas de la nostalgie. Il pleure un monde mort. Je pleure un monde mort. C'est pas la nostalgie, c'est la tristesse. D'accord. Mais il dit, pourtant, moi qui le pleure, je ne suis pas mort. Et on pourrait dire, moi qui le pleure, je suis bien vivant. Et je m'en réjouis. Ou pas ? Non, on peut pas dire qu'il s'en réjouit, mais D'être vivant. Hein. Bien sûr, il se réjouit d'être vivant. Il n'était pas du tout. Pasolini n'était pas suicidaire. Au contraire, ce qui est tout à fait impressionnant, c'était la manière dont il travaillait, les multiples projets qu'il avait en tête, qu'il menait à terme. C'est tout à fait impressionnant. Et c'est pour ça que les gens qui était face à lui était, se disait, mais il y a une contradiction entre, d'un côté, vous dites que la situation est tragique, et puis de l'autre, vous devriez à ce moment-là ne vous asseoir dans un coin et ne plus rien faire. Et en fait, non. Parce que ce qui reste premier avant la déploration de la disparition, c'est l'amour de ce qui disparaît. Oui. Et alors, dans le texte qu'on a entendu, je reviens sur les premières lignes parce qu'elles sont vraiment formidables. Il dit « La plupart des intellectuels laïcs et démocratiques italiens se donnent de grands airs parce qu'ils se sentent virilement dans l'histoire. » Le « dans » est entre guillemets, et le virilement est évidemment ironique. Et ça fait référence à la toute fin de sa vie. Le 1er novembre 75, juste avant sa mort, il donne un dernier entretien. Et dans cet entretien, on lit cette phrase « Le petit nombre d'hommes qui ont fait l'histoire sont des hommes qui ont dit non. » Jamais les courtisans ou les valets des cardinaux. Donc là, on voit qu'on peut identifier les intellectuels laïcs et démocratiques italiens aux courtisans et valets des cardinaux. Et puis ainsi, on comprend ceux qui font l'histoire pour Pasolini, ce sont ceux, tout simplement, même si c'est difficile à faire, qui disent non. Oui, mais alors après, toute la question est de savoir à quoi on dit oui et à quoi on dit non. Parce que précisément, si vous voulez, ce qu'a beaucoup critiqué Pasolini, c'était justement cette figure du désobéissant obéissant, vous voyez, du rebelle qui se drape justement dans un pseudo-non et qui ne dit pas non à la puissance dominante de son temps, qui était en l'occurrence la société de consommation. C'est le nom de la Boétie au fond, c'est le nom de la servitude volontaire, celui qui accepte de ne plus se soumettre à la société de consommation ou à quelconque forme de domination. Bah, c'est-à-dire qu'il faut savoir identifier dans son temps ce qui est véritablement la puissance dominante. Et ce qu'a beaucoup critiqué Pasolini, c'était justement ceux qui se donnaient des airs de dire non, En par exemple, vous voyez, dans l'Italie de l'après-guerre, en se disant antifasciste, alors que le fascisme était vaincu et que c'était autre chose qui se mettait en place. Il fallait être antifasciste au moment du fascisme et il fallait être contre la société de consommation au moment de l'avènement de la société de consommation. Oui, donc il ne faut pas prendre ces textes comme des choses qu'on pourrait appliquer directement. Il y a toute une réflexion qu'il faut faire pour essayer de comprendre. Bien sûr, parce que dans quel c'est contexte s'inscrit ce nom. Chacun, dans l'époque dans laquelle il vit, doit être capable de faire cet exercice qu'a fait Pasolini. Alors on va entendre un dernier texte ensemble, Olivier Rey, un texte magnifique qu'on trouve dans Le Chaos, donc le texte de Pasolini que vous avez préfacé, qui est sorti il y a quelque temps, qui revient plus précisément et de manière très poétique aussi sur ce que lui entend par le passé. Ce passé, je vous posais la question, est-il nostalgique? Veut-il le préserver à tout prix? Est-ce que le passé était mieux que le présent? Là aussi, il est très ambivalent, on l'a entendu toute cette semaine. Et il va revenir sur ce rapport sacrilège au passé, qu'il voit chez certains jeunes en Italie. Et puis ensuite, raconter une sorte de rêve, une illumination qu'il a eue, où les villes elles-mêmes semblent se métamorphoser et disparaître. Et de ce rêve va naître peut-être une des définitions, même si on n'est pas vraiment une, mais de la plus précise possible de ce que serait le passé encore présent aujourd'hui. Écoutez le texte lu par Georges Clès. J'ai dit comment le rapport sacrilège au passé se vérifie en Italie chez certains jeunes qui croient accomplir des actes révolutionnaires, tandis que, involontairement, ils réalisent des exigences typiques de la civilisation de consommation. Détruire le passé est une instance révolutionnaire idéaliste, mais c'est dans le même temps l'exigence des technocraties les plus cyniques. Les étudiants de Gênes qui ont écrit des slogans révolutionnaires conventionnels sur des fresques du Cinquecento sont les victimes de cette contradiction. Il y a aussi, 100 ans, du fascisme de gauche typiquement italien, mais cela compte moins. Ce qui importe, c'est le rapport sacrilège au passé qui doit être de toutes les manières expliqué. Est-ce un sacrilège de droite ou un sacrilège de gauche, un sacrilège cynique ou un sacrilège idéaliste ? Cette nuit, entre veille et sommeil, j'ai eu une de ces illuminations grâce auxquelles, généralement, j'écris ensuite des vers, que maintenant je traduis au contraire en prose. Des monuments, des édifices antiques, bâtis en pierre ou en bois, ou encore d'autres matières, des églises, des tours, des façades de palais, tout cela rendu anthropomorphique et comme divinisé par une figure unique et consciente, s'est aperçu qu'il n'était plus aimé, qu'il survivait. Et alors, il a décidé de se tuer. Un suicide lent et sans tapage, mais irrépressible. Et voici que tout ce qui des siècles durant a semblé être pérenne, et l'a en effet été jusqu'à il y a 2 ou 3 ans, commence soudainement à se désagréger dans le même temps. Autrement dit, Venise agonise, et des milliers de merveilleux hameaux s'effondrent en Lombardie, en Toscane, en Sicile, et sont en train de se transformer en ruines. Des fresques qui semblaient incorruptibles jusqu'à il y a quelques années commencent à présenter des lésions irréparables. Peut-être aurez-vous reconnu la musique des Mille et une nuits réalisée par Pasolini pour accompagner ce texte magnifique, hein, Les déceptions sont vie, un extrait du recueil qui s'appelle Le chaos de Pasolini, donc évidemment ici lu par Georges Clès. Comment comprenez-vous ce récit, Olivier Rey? Il parle d'illumination, ce qu'il décrit est très mélancolique, je n'ose pas employer un superlatif de mélancolique, mais... Oui, mais enfin, d'une part, moi, Notre-Dame a brûlé, ça m'a fait immédiatement revenir en mémoire ce texte, parce qu'on aurait dit qu'il était écrit pour la circonstance. Effectivement, vous voyez, il y a une très grande souffrance éprouvée par Pasolini devant ce monde qui disparaît. Si ce monde n'avait pas existé, il n'y aurait pas la souffrance. Mais en même temps, que faut-il préférer? Que ce monde n'ait jamais existé pour ne pas souffrir? Ou bien que, même s'il disparaît, il est quand même existé. C'est une vraie question. Eh bien oui, et en fait, je pense que Pasolini, si vous voulez, c'est en cela qu'on ne peut pas dire qu'il est happé par la mélancolie. C'est-à-dire que, même s'il voit ce monde disparaître et qu'il en souffre terriblement, il préfère cette souffrance au fait que ce monde n'ait pas existé. Il préfère quelque chose plutôt que rien, pour revenir avec la question philosophique classique. D'une certaine manière, cette existence continue à le porter. Elle est toujours une ressource à laquelle il peut aller puiser. D'autant que la tristesse, la mélancolie ou que sais-je encore le désespoir sont des sources actives de création. Oui, tout à fait. Et donc en fait, sa vitalité, elle vient aussi de là. Donc en fait, si vous voulez, par rapport au passé, à des choses du passé auxquelles on tenait à l'extrême et dont la disparition de ce fait crée une très grande souffrance, il faut toujours se rappeler par rapport à cela pour ne pas justement être écrasé par le malheur, c'est que plus avant de déplorer leur disparition, on peut rendre grâce au fait qu'elles aient existé. De manière religieuse. Ben je pense qu'il y a quelque chose de cela aussi dans la religiosité de Pasolini, parce que même si Pasolini c'est plutôt dit athée, il y a quand même un fond religieux chez lui très grand. D'ailleurs, quand il a tourné l'Évangile selon saint Matthieu, alors encore une fois, ça c'est quand même... Il s'attaque à l'Évangile selon saint Matthieu, et dans les conférences de presse après le tournage de ce film, il y a un journaliste qui lui a demandé « Mais c'est quand même étonnant que vous, un marxiste, et puis qui vous dites athée, vous ayez tourné un tel film, vous qui ne croyez pas en Dieu. » Et Pasolini lui a répondu « Si vous savez que je ne crois pas en Dieu, vous en savez plus sur moi que moi-même. » Voilà, je pense que Pasolini est... Ça dépend tellement de ce que l'on met derrière le mot Dieu. D'ailleurs, dans Le Chaos, il a une phrase qui est tout à fait extraordinaire, où il dit, voilà, « Aussi longtemps que perdure le système qu'on combat, en l'espèce le système capitaliste, il ne doit pas être tenu pour le mal, parce que sous lui, il y a également la réalité, c'est-à-dire Dieu. » Et là, en fait, c'est très intéressant parce que... La réalité, c'est-à-dire Dieu. Oui. En fait, je pense que... Vous voyez, mais après, que tient-on pour réel? En fait, justement, ça va Mais là, c'est sans fin, alors. Après, oui. Mais ce que je veux dire, c'est que Pasolini n'est pas un... Il a énormément de mal avec la religion instituée. Il a aussi énormément de mal avec l'Église catholique qui est mouillée jusqu'au cou avec la démocratie chrétienne et avec la manière dont est gérée l'Italie. Bon, voilà, il y a tout un contexte aussi qui doit être pris en compte. Mais la réponse que je vous avais donnée de Pasolini à ce journaliste qui s'étonnait qu'il ait tourné l'Évangile selon saint Matthieu, pour moi, elle montre à quel point Pasolini lui-même, en fait, ne savait pas très bien... Mais au fond, peu importe. Quel type de réponse il fallait donner à cette question. Mais ce qui me semble aussi intéressant dans ce que j'ai lu, aussi longtemps que perdure le système qu'on combat, il ne doit pas être tenu pour le mal, parce que sous lui, il y a également la réalité, c'est le rappel que le monde, c'est d'abord l'objet de notre premier amour. Et que les combats que l'on peut mener ensuite doivent toujours garder contact avec l'amour premier qui les motive. Dans le combat, il y a évidemment quelque chose que l'on veut détruire, il y a du négatif, mais ce négatif plonge toujours ses racines dans un amour premier. L'amour est premier, pour Pasolini, vous pensez ? Oui, avant oui. même l'étonnement face à la réalité. Ce questionnement du réel qu'il met en œuvre dans tous ses écrits, en tout cas, quand vous avez commencé par là, cette oraison funèbre de Moravia, oui. où il parlait de l'engagement civique de Pasolini, mais c'est une forme de fidélité qu'il avait à une certaine Italie, et c'est l'amour de cette Italie qui l'a conduit à ses engagements, et même quand la plus grande violence que l'on puisse trouver chez Pasolini, elle trouve toujours son origine dans d'abord un accueil et une reconnaissance pour le monde qui lui a été donné. Ce sera donc la phrase de fin. Merci beaucoup Olivier Rey d'être C'est moi qui vous remercie. Nous parler de Pasolini aujourd'hui et je renvoie à la lecture de Le chaos contre la terreur, hein, l'ouvrage de Pasolini que vous avez préfacé aux éditions Le Rouge et le Noir, édition RN. On se quitte avec une chanson italienne antifasciste, Canzoniere delle lame, chi non vuol chinar. Scrive la gazzetta, non c'è pace sociale, e che gli operai sono sempre a scioperare. Fabbriche occupate, scuole picchettate, qui non si produce più. I giornali dei padroni gridano rossi sovversivi, ci vuole ordine, c'è troppa libertà. Ci vuole repressione, ordine sociale, bisogna eliminare la lotta sindacale. Ci vuole l'uomo forte con la dittatura e il manganello bisogna usare. Ma questo è l'ordine fascista, non si può chinar la testa a chi non la testa è comunista. Questo è l'ordine fascista, non si può chinar la testa a chi non vuol chinar la testa è comunista. Ordine vuol dire combattere i fascisti, ordine vuol dire no alla violenza, ordine vuol dire la lotta di classe. Questa è comunista, ordine vuol dire poter lavorare, ordine vuol dire non dover emigrare, ordine vuol dire avere la dignità di non partire e di star qua. E se non vuoi chinar la testa, fatti aggiungere alla lista chi non vuol chinar la testa è comunista. E se non vuoi chinar la testa, fatti aggiungere comunista. Sur France Culture, les chemins de la philosophie, il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vous nous parlez d'un livre sur la vulgarité, publié par les éditions Gallimard. Vulgarité et modernité, c'est le titre simple et clair de ce livre de Bertrand Buffon. Simple et clair car il affiche d'emblée un constat et une problématique. Le constat, la modernité est vulgaire, tout en témoigne d'ailleurs, l'évolution du langage, la publicité, les manières des élites, pensez à Trump ou Berlusconi, les réseaux sociaux ou la mode. Et de là, la problématique, la modernité étant inéluctable, comment être de son temps sans être vulgaire? Mais j'ajouterai, le faut-il? Madame Nouvian, j'hallucine. Madame Nouvian, s'il vous plaît, c'est la première fois que vous venez. C'est incroyable. Et bien halluciné. Je voudrais d'abord que vous calmiez, ce qui nous ferait plaisir. Mais attendez, vous trouvez oui. ça normal? Non, oui, je trouve ça normal que les gens puissent s'exprimer. On a le droit. Donc, s'il vous plaît, je voudrais que vous. Mais c'est vous qui êtes folle. Je voudrais. C'est vous qui êtes dingue. Il fallait pas venir si vous voulez discuter qu'avec des gens avec qui vous êtes d'accord. Ce que vous dites est parfaitement ridicule et désagréable pour ceux qui vous reçoivent, madame. Donc je ne vous connaissais pas, je trouve extrêmement agréable. Ça fait deux fois que j'utilise le mot ridicule, en fait. Ah oui. Je vous trouve très ridicule, mais vous avez le droit d'écouter les autres plutôt que donner une image hystérique de votre pensée. Alors, la modernité est à la vulgarité, culture du clash, de l'invective et du mauvais goût, on sait la reconnaître ou la désigner car elle nous choque, elle nous hérisse. Mais on ne sait toutefois pas la définir clairement, car la vulgarité n'est pas un phénomène distinct, à part circonscrit, elle a cette particularité de se propager, de faire plier nos résistances et de faire que même les plus polis ou délicats d'entre nous cèdent parfois à ses sirènes. La vulgarité a donc à la fois quelque chose de frappant et de vague, de scandaleux et de diffus, de particulier et de général. Comment tenter malgré tout de la définir? C'est tout l'enjeu de ce livre de Bertrand Buffon, décortiquer tous les sens de ce terme, de son apparition sous la plume de Madame de Staël au moment de la Révolution à aujourd'hui. Autrement dit, de la naissance de la modernité faite d'individualisme, d'utilitarisme et de consumérisme à leur intensification actuelle. Que d'histoire pour deux malheureuses minutes dans une émission à la con. Qu'est-ce qu'on s'en branle qu'il ait aimé ou non Benito, franchement. Un enculé pareil. Mais comment peux-tu être aussi grossière, bêtide? Quand je t'entends, j'ai du mal à croire que c'est moi qui t'ai éduquée. Tu ne sais pas t'exprimer autrement. Tu crois que c'est joli dans la bouche d'une femme? Je m'en fous, tu sais, moi, de pas faire joli. C'est pas ma préoccupation principale, hein, de faire joli. Eh bien, tu as tort, parce que c'est choquant. Ça ne plaît à personne, cette façon de parler. Et certainement pas aux hommes. Que tu le veuilles ou non, tu es une femme. Et une femme ne dit pas de grossièreté. Hein? C'est pas moi qui l'ai inventé. C'est pas féminin, ça. C'est repoussant. Ben, moi, si je peux me permettre... On ne vous a rien demandé à vous. Vous voyez pas qu'on parle entre nous? Ah, excusez-moi. Qu'est-ce que la vulgarité? Est-ce mal parler ou mal se comporter? La vulgarité, en fait, vient du latin vulgus, qui signifie le commun des hommes, la foule. De là, on comprend son apparition concomitante avec la Révolution et l'époque moderne. La vulgarité est apparue en même temps que le peuple est venu au pouvoir, dès qu'il est devenu visible. Le vulgaire désigne ainsi de manière neutre le commun, ce que partage le plus grand nombre, et de manière péjorative ce qui est commun, banal, médiocre, informe. En cela, c'est vraiment un terme et une notion passionnante. Car d'abord, d'un point de vue éthique, on repousse la vulgarité, mais elle nous concerne tous, elle nous guette et parfois elle peut même nous séduire. Et aussi, car d'un point de vue politique, elle souffre de la même ambivalence que la notion de peuple, à la fois noble et irrationnelle. Elle désigne ce que l'on a à partager ou de tristement commun. Faut-il ainsi bannir la vulgarité? Faut-il s'en offusquer quand elle dit autant de nous et nous rassemble? Il y a certaines choses que je trouve bien plus choquantes que mon vocabulaire, moi. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'on peut être extrêmement grossier sans dire un seul gros mot. Voilà ce que ça veut dire. Qu'est-ce que tu me racontes? Henri se morfond dans son coin depuis le début de la soirée, t'as pas remarqué? C'est ton fils, Henri. Ça devrait t'intéresser. Tu t'inquiètes que des petits problèmes de Philippe. T'appelles ça comment, toi? De la délicatesse? Du savoir-vivre, peut-être? Philippe par-ci, Philippe par-là. Il était merveilleux, ton Philippe. Parce qu'il parle à sa femme comme à une sous-merde. Tu me trouves grossière, là, hein? Le problème de la vulgarité, ce n'est pas tant qu'elle peut se loger partout et sous diverses formes, qu'elle est autant dans les mots que dans les manières, chez les bons élèves que chez les mal élevés, c'est qu'elle est à la fois ce qui nous sépare et nous rassemble, ce qui nous met à distance de nous, quand on est hors de soi, on emprunte souvent la vulgarité, et permet de nous épancher sans filtre, sans forme. Dans son livre, Bertrand Buffon fait le lien entre modernité et vulgarité. Les ressorts de l'une, l'individualisme, l'utilitarisme et le consumérisme sont les ferments de l'autre. Mais est-ce si sûr? Le contraire de la vulgarité, la politesse, la civilité et ce qui permet la vie ensemble. Mais le vulgaire reste aussi ce que l'on a en commun, sans distinction de classe. La différence est que la politesse est une question d'apparence, de vernis, quand la vulgarité fait précisément craquer ce vernis et permet peut-être d'abolir toutes ces manières qui nous aliènent. Ça a l'air passionnant, Géraldine. C'est le livre de Bertrand Buffon, Vulgarité et modernité, aux éditions Gallimard. Merci beaucoup. Votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Un grand merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie qui m'a aidé comme chaque jour à préparer cette émission. Colomba Grossi, Elsa Le Saulnier, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Anaïs Isbert, Nicolas Berger qui réalise cette semaine, Nasser Moussaoui qui est à la prise de son aujourd'hui, Georges Kless à la lecture des textes. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de Profession Philosophe qui vous emmène chaque vendredi à la rencontre de ceux qui ont fait de la philosophie leur métier. Demain, nous serons en compagnie d'Avital Ronel. D'ici là, pour écouter cette émission ainsi que toutes celles qui depuis lundi s'intéressent à Pier Paolo Pasolini, Sachez que c'est très simple. Vous vous rendez sur le site de France Culture, page des chemins de la philosophie. Vous pouvez réécouter toutes les émissions en ligne ou bien les télécharger, les podcaster. En vous abonnant, quel que soit le serveur, en vous abonnant au podcast des chemins de la philosophie, vous pouvez réécouter chaque émission à volonté et la garder aussi longtemps que vous voulez. Rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram. Vous savez que l'équipe des chemins de la philosophie a désormais un compte Instagram auquel vous pouvez également vous abonner. On sera ravis de discuter avec vous. Voilà, on se retrouve demain à 10h précise. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.